Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Là, c'est parti. Rencontre. D'abord, je vous remercie avant tout, monsieur Defresne Étienne, premier échevin, c'est comme ça qu'on dit, oui. Dans la commune de Montgodine. Alors, Montgodine, attendez, hein. Chaque chose à la fois. Montgodine, dans le vaste monde, ça se trouve en Belgique. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui voyagent, hein, des Français, des. Vous voyez. À combien de kilomètres de la capitale de Bruxelles? Je dirais une septantaine. Approximativement. Et ici, on rencontre un échevin. Alors, qu'est-ce que c'est un échevin? Parce qu'on m'a posé la question, on a quoi c'est... Qu'est-ce que c'est un échevin, en fait? Échevin est un belgicisme. En France, on dit adjoint au maire. Nous sommes autour du bourgmestre, donc monsieur le maire Ovid Monin, quelques-uns, à partager le fardeau de la gestion communale. Le nombre d'échevins en Belgique est fonction de la population de l'entité. Donc ici, nous avons à y voir approximativement 9000 habitants, donc nous avons droit à 4 échevins, plus un président pour le centre public d'aide sociale. Ok, mais quand vous dites Ivoire, parce que sinon on ne comprend plus rien, qu'est-ce que c'est pas à Montgodine ça, Ivoire? Ivoire est une commune rurale et à l'époque de la formation des communes en 1976, ce qu'on a appelé la Grande Fusion, la commune d'Ivoire s'est constituée de 9 villages qui ont été fusionnés en une seule commune. Il s'agit de Dorine, Durnal, Godine, Évrehaille ou Spontin, Purnaude et Ivoire. Ok, je comprends bien. Alors, donc, il y a plein de petites entités qui n'en forment qu'une au niveau politique, alors? Au niveau administratif, oui. C'est pas la même chose? C'est pas vraiment la même chose, car, bon, si administrativement, la fusion des communes est quelque chose qui est entré dans les mœurs, je crois que l'esprit de village n'est pas mort. Et quand on pose aux habitants la question « Où habitez-vous ?», ils ne répondent pas forcément « Ivoire ». Ils citent d'abord leur village natal, et puis « Ivoire » vient après. Et quand vous dites que les villages ne sont pas morts, là, waouh, on aborde encore un autre sujet. Mais restons un petit peu là pour l'idée de... Donc, « Ivoire rassemble plein de petites entités villageoises. Premier échevin... » Et vos attributions, c'est énorme aussi. Urbanisme, aménagement du territoire et patrimoine forestier, troisième âge, culture, culte, patrimoine immobilier, énergie, relations publiques et jumelage, commerce et économie locale, association patriotique. Tout ça, mais pas simplement pour Montgodine, mais aussi alors ces différentes entités. Oui. Le nombre d'échevins dans les communes est fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la population globale de l'entité. Une grande commune comme Namur, par exemple, a droit à 10 échevins et forcément, les responsabilités de ces 10 personnes sont plus ciblées que dans les petites communes comme les nôtres où, ayant droit seulement à 4 échevins, on est obligé de regrouper les compétences sur moins de têtes. Dans ces grandes villes, les échevins ont également à leur disposition du personnel, un cabinet pour les aider. Nous pas. S'il y a un courrier à faire, ben on va le faire nous-mêmes. S'il y a des démarches à entreprendre, il est très difficile de déléguer parce que notre personnel communal est déjà affecté à d'autres tâches. Donc, ça demande dans les petites communes énormément de polyvalence. C'est dingue, ça. C'est dingue, c'est dingue. Et quand je vois aussi... comme ça, moi j'y connais rien, mais l'idée, troisième âge, vous proposez quoi en fait? Parce que c'est ça, la culture et l'agriculture, c'est vous aussi ou... Culture et agriculture sont bien scindées, je serais parfaitement incompétent dans le rayon de l'agriculture. Maintenant, pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'on propose aux aînés? Eh bien, quand j'ai repris la compétence des aînés, la première chose que j'ai mis en place, c'est des excursions pour nos aînés, parce que j'avais fait le constat assez rapide que aucun de nos villages n'avait la taille critique suffisante que pour organiser un car et partir ensemble quelque part. Par contre, en unissant les différents villages de l'entité et en lançant un appel général, voilà, on va à tel endroit, eh bien, à ce moment-là, le car était facilement rempli. Et ça rendait le voyage d'une part plus agréable pour les participants et d'autre part moins cher, économie d'échelle. Et ça a fait maintenant des années que les excursions fonctionnent et fonctionnent très très bien. Nous en avons encore préparé 4 pour cette année. Et quand je dis nous en avons préparé, ce n'est pas tout à fait exact. Dans la foulée des excursions, nous avons également institué le conseil consultatif des aînés. Et en début de saison, on leur présente toute une série de destinations, certainement une dizaine chaque année, et au sein du conseil, ils votent. Ils disent ensemble, voilà, on voudrait bien aller là, là, là et là. Et ce n'est qu'une fois leur vote fait, le classement établi, que nous nous mettons au travail, quand je dis nous, le guide officieux de la commune, Monsieur Causemans, et moi-même, on se met au travail et nous préparons les destinations que eux ont choisies. À côté de ça, on a mis sur pied des thés dansants, des visites culturelles. On a été voir l'expo Magritte, on a été visiter l'exposition à Liège, les Golden Sixties. Chaque année, cette année-ci, nous irons visiter le Louvre, Lens, le Louvre décentralisé. Et chaque année, à côté de ces excursions mi-festive, mi-culturelle, nous avons au moins une destination culturelle. J'ai parlé des thés dansants, je veux parler également des formations qu'on propose à nos aînés, des formations par exemple pour le GSM, pour l'ordinateur, absolument réduire la fracture numérique entre les jeunes et les aînés. Que pourrais-je encore dire? Mais vous parlez là de... Ben, là, c'est le troisième âge. Oui. Ça veut dire que c'est des personnes, normalement, ben, je ne dis pas que... Je veux dire, apprendre l'ordi et toute cette mécanique-là. Pourquoi, en fait? Pourquoi faire? D'une part, il y a une part non négligeable des aînés qui ont envie encore de rester dans le mouvement. Et l'ordinateur prend de plus en plus de place dans notre vie de tous les jours, que ce soit pour faire ses courses, réserver un voyage, un restaurant, et ils se rendent bien compte qu'il y a une mutation de la société qui est en train de se faire, et une quantité non négligeable d'aînés n'a pas envie d'être décrochée de cette mutation. Et puis il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect communication. Pour rester en contact avec ses enfants, ses petits-enfants, voire ses arrière-petits-enfants, un GSM, c'est important, et Skype encore plus. J'imagine, mais c'est ça que je me pose comme question, c'est que souvent, bah, tous ces projets, c'est chouette hein, de partir comme ça en voyage organisé, ça fait un petit peu Claude Med pour personnes du troisième âge, mais la question centrale, comme ça, dans un village, j'aurais tendance à me dire, bah, tiens, il y a une coupure de lien, quoi, parce que même, j'imagine, la personne du troisième âge... Ben, c'est là ces petits-enfants qui prennent le temps de m'expliquer comment ça marche Skype ou comment ça marche un GSM. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est comme si dans un village, moi ici c'est Montgodine, moi je connais Montgodine puisque j'y suis, c'est comme si pour moi il manquait un espèce de lien les uns avec les autres, quoi, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Un lien tout simple, quoi, de la vie. Alors, quelque part, la commune, ou en tout cas le politique, est obligé de venir faire comme ça des voyages organisés. Mais est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi de créer des dynamiques avec aussi bien les jeunes que les moins jeunes, que les plus vieux, par exemple? Dans votre question, je distingue deux choses. Il y a, d'une part, le fait que la cellule familiale en tant que telle n'est plus ce qu'elle était il y a 50 ans. Aujourd'hui, on ne vit plus les générations ensemble. Il est rare de voir une famille vivre encore avec un grand-parent ou un arrière-grand-parent. C'était la norme jusqu'à dans l'immédiate après-guerre, ce ne l'est plus aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est l'éloignement géographique des cellules familiales. Expliquez un peu, je ne comprends pas. La mobilité vis-à-vis du monde du travail impose parfois d'aller plus loin, chercher du travail, et particulièrement pour nous ici qui ne sommes pas spécialement industrialisés. Donc, les enfants habitent parfois très loin de leurs parents, des grands-parents, et donc les nouvelles techniques de communication, que ce soit le GSM ou Internet, permettent justement de réduire cette distance et de retisser un maillage qui naturellement risque de disparaître. Ok. Mais tiens, par exemple, ici à Mongodine, hein, bon, pas Ivoire, il y a combien de gens qui habitent à Mongodine? Eh bien, quand nous sommes venus nous installer ici en 1971, il y avait royalement 320 habitants. C'est vous, quand vous dites nous, c'est pas... Non, c'est vous. Quand mes parents ont acheté ici, il y a 40 et des ans, il y avait 320 habitants. Le dernier chiffre que j'ai reçu fait état de 750. Donc, l'accroissement est vraiment énorme. Mais c'est la clinique, évidemment. Vous pensez ? Ah, nous, en tout cas, on a atterri à Mont grâce à la clinique. Mon père a arrêté ses activités d'hôtelier en 1971 et a été engagé à la clinique comme économe. Alors, pour les gens qui ne le savent pas ici, vous pouvez un peu parler, en quelques mots, présenter la clinique, parce que c'est une clinique universitaire. C'est une clinique universitaire, mais elle n'a pas toujours été universitaire. Après-guerre, elle a été reconstruite, mais il s'agissait d'un sanatorium pour soigner les tuberculeux. Et puis, l'Université catholique de Louvain cherchait un établissement médical pour permettre à ces nombreux étudiants et stagiaires de poursuivre leur formation en dehors du site de Louvain qui commençait à saturer. Et c'est comme ça que la clinique de Mongodine est devenue universitaire. Et à partir des années 70, l'Institut Dr Terrasse a connu un développement mais vraiment énorme, puisqu'aujourd'hui, il y a près de 1600 personnes qui travaillent sur le site de Mongodine. Ce qui en fait le premier employeur de la province, carrément. Ah bah oui, mais c'est un truc énorme, hein. J'imagine, je sais pas, il y a combien de personnes qui travaillent dans cet hôpital, et surtout, c'est visible, il y a un immense parking qui a été reconstruit. On voit que ça marche, quoi. L'hôpital, ça marche, économiquement. Oui, et c'est heureux pour la commune, parce que c'est un pourvoyeur d'emplois de qualité et de revenus conséquents qui sont mensuellement déversés sur notre territoire, ailleurs aussi évidemment, mais ça participe quelque part à un certain bien-être qu'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs. Est-ce que vous pourriez un peu décrire Mongodine ? Oh, Mongodine est d'abord ce qu'on appelle au niveau urbanistique un village-rue, c'est-à-dire qu'il n'est pas groupé autour d'un noyau, il s'est développé autour des voiries. C'est très étendu en longueur, mais la géographie locale n'a jamais permis au village de s'étendre en largeur, parce que Mongodine est ce qu'on appelle une vallée sèche. C'est-à-dire que, normalement, il devrait y avoir, traversant le village, un cours d'eau. Comme la vallée de l'autre côté de la Meuse à la Molinier, nous devrions nous aussi avoir un cours d'eau, mais le caractère karstique de notre sous-sol a fait que la rivière de surface a trouvé son chemin en souterrain, et donc le cours d'eau que nous devrions avoir s'est transformé en autant de grottes, et la grotte la plus profonde de Belgique se trouve à Montgodine, c'est le trou Bernard. Il est accompagné du trou Héron et du trou de l'église. Et donc là encore, ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent, comment ça s'appelle, les spéléologues, ils viennent... moins qu'avant, parce que il y a eu de nombreuses imprudences qui ont amené la protection civile à découvrir trop souvent Montgodine, et la Fédération des spéléologues de Belgique a réglementé de manière beaucoup plus sévère l'accès aux différents sites du village, et quelque part c'est une bonne chose. Il y a certains trous qui sont beaucoup plus faciles d'accès, comme le trou d'Aquin à Lustin, où là tout quiconque peut aller s'y promener sans trop de matériel. Ici, les grottes de Mont sont réservées à des spéléologues confirmés, sous peine de se mettre en danger. Oui, d'ailleurs, il y a une clé. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas aller dans la grotte comme ça. Il faut avoir une clé pour rentrer dans cet espace-là. Cher monsieur Étienne Defresne, moi, j'aime bien la liberté de penser, la liberté de parole. Hein. N'y voyez rien contre vous. D'accord ? Mais par exemple, au côté urbanisme, c'est vous aussi ? Depuis un an. Depuis un an. Oui. Donc ça veut dire quoi en fait ? Vous avez cette fonction, mais c'est, vous décidez quoi ? J'imagine jamais tout seul. Hein. Jamais tout seul, ça certainement. Toutes les décisions sont collégiales. Et certaines décisions sont même initiées par le fonctionnaire délégué de la province de Namur. Il y a dans la région wallonne ce qu'on appelle le quatup. Alors le quatup, c'est quoi pour une bébête ? C'est un code qui décrit la manière dont il convient d'urbaniser la Wallonie. Et de ce code découle toute une série de règles qu'il nous convient de faire appliquer. Nous en avons l'obligation. L'autonomie communale, en manière urbanistique, est ramenée à sa plus simple expression. Nous avons la possibilité d'initier des lotissements, quand la région wallonne veut bien. Nous avons la possibilité de fixer quelques règles, mais pas les plus importantes. En matière urbanistique, nous dépendons énormément des décisions qui sont prises à Namur. Oui, mais j'imagine que quand même une commune a son mot à dire. Par exemple, moi, sans connaître, puisque là, je démarre un peu ce projet de donner la parole comme ça dans les villages, un peu voir comment ça marche. Mais je simplement, visuellement, à Cruppet, c'est super joli, Cruppet. Il y a une politique derrière, on le sent bien. Des maisons construites en pierre bleue du pays. Et on n'a pas l'impression que la commune accepte que tout le monde vienne construire n'importe quoi, n'importe comment. Ici, à Montgodine, moi, je connais pas vraiment la politique communale, mais simplement visuellement, je comprends bien que c'est un peu ouvert à la construction Thomas Piron. D'ailleurs, on fait des fois des grandes publicités et que c'est un peu allons-y quoi, construisons. Vous voyez un peu la politique, ça c'est moi qui pense ça. Donc, je m'imagine que la politique communale de Montgodine, eh bien, elle pousse ou en tout cas, elle n'empêche pas les gens de venir continuer à construire et construire et construire. En fait, nous n'avons pas le droit d'interdire à quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain situé dans une zone constructible, nous n'avons pas le droit de lui interdire de construire s'il est réellement dans une zone qui, au plan de secteur, est destinée à cet effet. Ça, c'est un. Deuxièmement, à partir du moment où la personne qui désire construire remet un projet qui ne déroge en rien au fameux quatup dont je vous parlais il y a quelques minutes, eh bien, son projet, il va passer tout seul. Qu'on le trouve beau, qu'on le trouve moche, mais à partir du moment où on ne déroge à rien, il a le droit de construire ou de faire construire sur son terrain. Maintenant, la question sous-jacente est celle-ci. Est-ce que le village de Mont est appelé à grandir encore? Parce que on décrivait tout à l'heure l'évolution de 320 à 750, et on est en droit de se poser la question, ça va s'arrêter où? Une réponse facile serait de dire ça va s'arrêter jusqu'au jour où il n'y aura plus de terrain constructible au village. Mais ce n'est pas une bonne réponse. Il y a encore dans le village de grandes zones susceptibles d'être construites, comme par exemple tout le coteau qui se trouve en arrière de la rue des Fréchaux. Il y a là de nombreux hectares qui sont, au plan de secteur, inscrits en zone rouge, comme on dit. Et nous avons déjà été contactés par plusieurs propriétaires, et pour l'instant, quand je dis pour l'instant, ça fait une quinzaine d'années que la situation est gelée, parce que nous avons toujours tenu le même discours vis-à-vis que ce soit des propriétaires ou des promoteurs qui sont mandatés, en leur disant, messieurs, ceci pour nous constitue une zone qui forme une unité et pour laquelle nous exigeons un projet commun. Et donc, et c'est pour ça que ça bloque jusqu'à présent et qu'il n'y a rien qui est sorti à la rue des Fréchaux en arrière-zone, parce que nous exigeons qu'au niveau mobilité, égouttage, architecture, ces gens-là se voient, se parlent et nous présentent un projet cohérent. Voilà par exemple un domaine où la commune peut agir et agit. Et la conséquence, c'est qu'il n'y a rien qui bouge, c'est parce que justement nous avons des exigences fortes vis-à-vis de cette zone-là par exemple. Sinon les terrains... plic-ploc, bah oui, ils se construisent parce que la clinique est là et qu'il y a une forte pression sur le village de Mont, c'est clair. C'est sûr, mais enfin, bon, voilà, chacun... moi, je trouve ça moche, parce que c'est vraiment plic-ploc, ça ressemble à rien, c'est des constructions un peu... on sent comme s'il y avait à tout prix le besoin de construire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ça, c'est même pas harmonieux... Moi, je pense aussi là-haut, dans la rue des Fréchaux, même tout au-dessus, là, hein, il y a de nouvelles constructions, alors que c'était la forêt, là, enfin, le début, l'entrée de la forêt, je sais pas. Tout au-dessus de la rue des Fréchaux, hein. je me dédouane, ce n'est plus Mont, ce n'est plus Ivoire, c'est Assès. Mmh. Mais c'est une excuse un peu facile. J'ai perdu le fil de mon idée. Oui, ben voilà, enfin, en tout cas, on parlait de la construction et de la rue des Fréchaux en hauteur, que c'était moche, c'était oui. Fait un peu... Disons que la tendance actuelle est la construction d'appartements. Et ça, c'est quelque part quelque chose qui est souhaité par la région wallonne, qui souhaite qu'au maximum, on regroupe l'habitat plutôt que de continuer à le disperser comme nous le faisons actuellement. Je dis nous, pas commune d'Ivoire, hein, dans toutes les communes wallonnes, l'habitat a tendance à s'éclater, à se disperser. On mange des terrains agricoles, on mange des prairies pour y faire des maisons, ok. Le rêve de la maison quatre façades avec le grand jardin autour, c'est très bien, mais à long terme, c'est intenable. Donc, il faut au maximum rationaliser... Faire des appartements, c'est ça? Ah oui, parce que la vie en commun sera une donnée essentielle de notre avenir. Je travaillais dessus pas plus tard que ce matin. La région wallonne vient d'éditer un document très important qui s'appelle le SDER. C'est le schéma de développement rural. Et... sur base des prévisions démographiques et sur base de la situation actuelle, on se rend compte qu'il ne sera pas possible d'avoir tous les services partout. Que ce soit des services de transport, que ce soit des services publics, que ce soit des commerces. Mais j'entends bien, monsieur, mais on est dans un village, quoi, c'est pas la ville ici, Mais justement, ce schéma prévoit de créer des territoires principaux et des territoires ruraux, où on va essayer de regrouper au maximum l'habitat sur les territoires principaux en disant à ceux qui veulent absolument continuer à vivre sur leur carré de chou, mesdames et messieurs, vous pouvez, mais sachez que ça aura un coût et que la collectivité n'est plus disposée à assumer les coûts d'un étalement complètement... dispendieux au niveau... Notre énergie est en train de se dépenser dans, dans un étalement urbanistique. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir combattre en regroupant au maximum les populations. J'arrive pas bien à comprendre... La philosophie. Non, pas la philosophie, juste pratiquement, qu'est-ce que vous voulez dire, en fait, que le fait de faire des constructions avec sa maison, quatre façades et terrain, ça, c'est une perte d'énergie. Ça veut dire qu'en gros, bah oui, amener l'électricité, amener individuellement, oui. Voilà, c'est plus compliqué. C'est plus tenable à long terme. C'est une politique qui n'est plus tenable à long terme. On nous annonce des augmentations de population sensibles pour les 30 prochaines années en Wallonie et particulièrement dans notre région. Imaginez un petit peu les coûts d'infrastructure que cela va représenter pour des intervenants tels que la Wallonne des eaux, le gaz, l'électricité. Le but du SDER est d'inciter les gens, non pas à venir tous habiter en ville, mais à mieux occuper les sols, à étoffer, à densifier l'habitat là où les services sont faciles à organiser. Et ce qui permettrait de, par exemple, retrouver des commerces dans nos villages principaux. Il y a quantité de villages ici dans l'entité où il n'y a plus une épicerie. En densifiant, on ramène suffisamment de population pour rattraper un nouveau seuil de rentabilité pour des petits commerces. Et là, on relance le circuit de la vie locale. C'est un peu l'idée de Le Corbusier, ça, à la base. Vous voyez, l'architecte des années... C'est celui qui a inventé l'idée de HLM, quoi. Donc de faire des maisons les unes sur les autres. Ça va être pratique, tous les gens seront proches et on pourra recréer... C'est un peu cette idée-là, sauf que... Ben vivre, je dis pas que ça va être ça, hein, mais vivre avec les uns au-dessus, les uns à côté des autres, ben c'est pas la même chose au niveau acoustique, au niveau de bruit, vous voyez, C'est un compromis extrêmement difficile entre la qualité de vie et la promiscuité. C'est un équilibre qui va être très difficile à atteindre, mais malgré tout, c'est dans cette direction-là que la région wallonne souhaite nous pousser. Maintenant, il faut bien se dire que cette direction va à l'encontre des aspirations profondes de la majorité de la population. Et c'est là que ça devient un petit peu la parano, parce qu'on va inciter les gens à faire ce que la majorité d'entre eux ne veulent pas. Comment vous savez que la majorité d'entre eux ne veut pas ? Tout simplement parce que ce sont nos territoires ruraux qui ont connu ces 20 dernières années la croissance démographique la plus importante. Les villes et grosses bourgades ont cru de 9%, et nos petits villages de 18%, le double. Donc, ce que veulent les gens, très clairement, on le voit, parce que ça se concrétise. Ah là là là là là là, tout ça, oui, mais oui, je me demande... Qu'est-ce qui est le mieux ? Parce que au bout du bout, c'est sûr qu'on est tous un peu individualistes dans nos vies, hein ? Et c'est même pas forcément ici, hein, à Mongodine, c'est qu'il y a un manque de, il y a un manque de liens les uns avec les autres, de collectif. Ça, c'est marrant parce qu'on parle d'urbanisation. Alors là, on est capable de parler de collectivité, de rassembler les énergies, de créer des choses. Mais c'est quand même sous l'aspect financier, quoi. C'est comme si on ne pouvait pas imaginer des choses qui se fassent collectivement sans qu'il y ait un enjeu colossal d'urbanisation, d'énergie, de coûts, etc., quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas un projet à la commune ? Je suis ennuyante. Un projet à la commune de... Bon, j'invente. Ça va très vite dans la tête. Hein. J'invente. Mais Est-ce qu'une commune peut dire, pour l'harmonie de forêt, de nature, pas que ça, d'accord, mais qu'elle peut empêcher aux gens de venir construire n'importe où, n'importe comment, voilà. Ben non, la commune dit, nous, en fait, on est plus sensible à la faune et la flore, à la circulation des bonnes énergies dans un village, etc., etc. Je pourrais accumuler d'autres idées, mais vous voyez un petit peu mon... Mais c'est-à-dire que on n'autorisera jamais à une construction, je vais prendre un cas extrême, en plein bois. Hein, je ne pense pas qu'il y ait eu ces derniers temps la moindre implantation de maison ou quoi que ce soit qui y ressemble, qui ne serait pas située au départ d'un noyau déjà existant. Mais peut-être. Mais non, là-haut, enfin oui, vous m'avez dit que c'était à Cesse, alors là-haut, donc il y a la rue des Fréchauds. Vous montez un peu à vol d'oiseau, il y a l'orée du bois là, et là, il y a toutes des nouvelles maisons qui ont été construites comme ça au milieu de nulle part. Les toutes dernières maisons du village, oui. Mais encore une fois, c'est une zone qui, au plan de secteur, a été prévue, donc les plans de secteur datent des années 60, a été prévue comme pouvant être urbanisée. Enfin bon, voilà, de toute façon, c'est un choix. Mais voilà, ma question, j'essaye de la reconcentrer. Est-ce qu'une commune peut dire... On peut changer un plan de secteur, si c'est ça la question. C'est une procédure extrêmement lourde qui prend de nombreuses années. Mais oui, ce n'est pas impossible. Une commune peut, à un moment donné, demander au gouvernement wallon une modification du plan de secteur et supprimer de son territoire une zone qui au départ était urbanisable et qu'elle souhaite ne pas urbaniser. Oui, c'est possible. Oh, ça me rassure que c'est pas uniquement... C'est très lourd comme procédure, c'est une procédure qui prend des années. Ça me rassure parce que ça veut dire que c'est pas uniquement non plus l'économie qui domine tout le temps à dire... Ce n'est pas figé. Ce n'est pas fatal, quoi. Ce n'est pas fatal, non, effectivement. Mais voilà, ok. Mais les cas sont très rares, hein. Les cas sont rares. Je vous dis, je vais aller me balader avec mon micro. Vous êtes la première personne, je vous remercie d'ailleurs d'être cette première personne, pour aller voir comment ça se passe dans d'autres communes, quoi. Comment les gens raisonnent, comment ils réfléchissent. Et après, bon, j'arrêterai, mais une dernière qui m'intéresse aussi, c'est l'aménagement du territoire et patrimoine forestier. Ça veut dire quoi, ça? Donc, c'est ce que vous vous occupez aussi. Hein, oui, c'est... oui, absolument. Il faut savoir, et nous sommes un petit poussé dans ce monde-là, que la commune d'Ivoire est propriétaire de 694 hectares de forêt. Donc, c'est quelque chose que nous devons gérer. Heureusement, pour ce faire, nous avons l'aide de la DNF, c'est la Division Nature et Forêt, qui, avec ses gardes, sillonne nos bois et forêts toute l'année et nous aide à les gérer. C'est grâce à eux qu'on détermine les coupes, c'est grâce à eux qu'on détermine les lots de bois de chauffage et c'est sur leur injonction que nos ouvriers communaux vont travailler dans tel à tel endroit pour élaguer, pour, que sais-je, effectuer tous les travaux qui permettent de maintenir nos forêts en bon état. Et c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est tout ce que vous venez de dire, une forêt en bon état. Oui. Naturellement, la forêt, elle n'est pas en bon état. Mais on va reparler un peu gros sous. Une forêt qu'on laisserait à l'état brut, bah, à un moment donné, elle n'est plus exploitable. Or, elle n'est pas là uniquement pour faire joli. Elle est là aussi pour produire. Et donc, chaque année... Nous vendons ce qu'on appelle du bois marchand. Bon, dans une commune comme la nôtre, c'est dérisoire par rapport au budget communal. Ça fait 60, 70, 80 000 euros dans les bonnes années. Mais il faut savoir que pour une commune comme Jeudine... Qui se trouve à côté ou plus loin. Qui se trouve un peu plus loin dans le sud de la province de Namur. Eh bien, les ventes de bois, c'est... 1 million d'euros au minimum chaque année. Donc c'est une ressource essentielle et qui leur permet, cela dit en passant, d'avoir le taux d'imposition le plus bas de toute la commune. C'est parce qu'ils ont une ressource naturelle et on ne peut pas laisser tourner à rien ces bois et forêts. Je ne vais pas dire qu'il faut que ça rapporte, c'est pas... mais il faut quand même en faire quelque chose. C'est ça, les logiques, quoi. C'est ça, les logiques. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. On doit pouvoir s'y promener, on doit pouvoir y chasser aussi, parce que nous avons un rôle de ce côté-là. Mais de temps en temps, il faut qu'on ne fasse pas que dépenser, il faut aussi qu'on remplisse un peu les caisses. J'imagine que se promener, ça, il n'y a pas besoin de l'humain pour aller se promener. Depuis la nuit des temps, ils se promènent dans la forêt. Hein. D'autant plus que... c'est gratuit, quoi. C'est gratuit. Et deux, on aménage régulièrement de nouvelles promenades, de nouveaux circuits, ou bien rien que dans la commune, ou bien en collaboration avec d'autres communes, voire sous l'égide de la Maison du Tourisme de la Haute-Meuse dinantaise. Il y a quantité d'initiatives qui sont prises pour justement promouvoir ce tourisme vert, d'où l'intérêt de garder nos forêts en bon état. Vous pensez que j'ai une pensée naïve ou un peu... j'ai jamais dit que vous l'aviez dit. Hein. Je mets ça sur la table. Vous pensez que... ma pensée un peu naïve, un peu hors réalité, d'imaginer comme ça les choses sans pour cela devoir les compter. C'est un peu hors réalité ou bien... Je crains que oui. Il n'y a rien à faire. On dit toujours que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais on ne peut pas avoir de projet si à un moment donné, on ne dispose pas d'une cagnotte. Et cette cagnotte, il faut l'alimenter. Ou bien on taxe plus ceux qui sont présents, ou bien on fait venir des habitants supplémentaires, de nouveaux contributeurs. Mais en tout état de cause, si on veut pouvoir actionner certains leviers, il faut, comme on dit, avoir les moyens de sa politique. Et donc, à un moment donné, on doit prendre le boulier compteur et se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça va coûter? Et comment vais-je le financer? Et ça implique des choix qui, comment vais-je dire, qui ne seraient pas forcément les choix idéaux de tout un chacun, mais qui se plient à la réelle politique, comme on dit. Ouais, là, je décroche un peu, mais moi, personnellement, j'ai l'illusion de croire que... on peut installer des lois ou de mettre en place des projets, que ce soit pas forcément... Il n'y a pas besoin de forcément parler de coûts financiers. Je suis bien d'accord, hein, c'est une réalité. Je veux dire, si j'ai faim, il faut quand même que j'ai de l'argent pour aller dans un magasin. Ou alors je produis moi-même dans mon jardin, mais à la base, de toute façon, il faudrait aussi que j'achète une petite graine qu'après, à la limite, je devrais pas racheter parce que... elle ne sera pas hybride, ça veut dire que je pourrais la replanter et refaire des semences moi-même. Mais bon, là, c'est... Vous voyez, c'est se prendre en main, c'est... Si Monsanto veut bien. Oui, mais bon, c'est sûr. Essayer de trouver des petites graines qui puissent encore se reproduire toutes seules. Je vais prendre un exemple simple. On parlait tout à l'heure de promenades, de sentiers, d'activités gratuites. Gratuite pour l'utilisateur. Mais à partir du moment où vous initiez une promenade, vous faites un fléchage à certains endroits, vous placez un panneau pour dire « Regardez ici, il y a ça, il y a telle faune, telle flore ou telle chose intéressante au niveau biologique ou minéral. » Le simple fait de faire ça, vous placez un caillou en plus dans le sac de l'atelier des travaux, parce que votre sentier, il va falloir l'entretenir, il va falloir le faucher, votre fléchage, le surveiller, vos panneaux didactiques, ils vont vieillir. Et toutes ces petites choses qui, au départ, pour une activité gratuite, vont finalement peser en nombre d'heures à prester ou en infrastructure à maintenir. C'est pas grand-chose pris individuellement, mais la somme de ces petites choses, vous prenez les voiries, l'enseignement, etc., les pompiers, la police, font qu'à un moment donné, il faut actionner la pompe pour faire fonctionner le système. Mais ça évidemment, mais je suis d'accord, enfin, l'argent il est là, on ne peut pas le nier, mais que ce ne soit pas uniquement lui qu'il fasse parler de lui. Je veux dire, il y a plein d'autres valeurs que simplement l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire, dans l'enseignement, bah ok, oui, il y a l'argent, mais il y a aussi comment on donne cours, il y a aussi qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux gamins, parce que moi, je pense que c'est la cible première pour évoluer vers un autre monde. Tout commence par l'enseignement. Et si je puis me permettre, au niveau belge, nous sommes en train, là je quitte largement le cadre de notre petite commune, au niveau belge, je pense qu'il y a de grosses erreurs de politique qui ont été commises en matière d'enseignement. On a désinvesti dans l'enseignement, même si certains ministres viennent nous dire que nous sommes encore un des réseaux les mieux financés au niveau européen. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais on se rend bien compte qu'au niveau enseignement, nous sommes en train de perdre des places par rapport à la moyenne européenne. Et c'est une colossale erreur parce que c'est notre seule richesse. Nous sommes un petit pays qui n'a pas de matières premières, qui ne dispose d'aucune ressource particulière. Notre seul véritable atout, c'est notre matière grise. Et si on continue à désinvestir dans l'enseignement, ce sont nos enfants, petits-enfants, qui en payeront les conséquences. Et maintenant, j'avais envie de parler, après, bon, ben, ça touchera à sa fin, hein, mais oui, c'est souvent on entend cette idée de séparation entre la ville et puis la campagne. Qu'est-ce que ça vous raconte quand je vous dis ça? C'est quoi vos références à vous, la ville et la campagne? Qu'est-ce que ça vous raconte, en fait? Eh bien, nous recevons régulièrement du gouvernement wallon des circulaires qui nous parlent de telle ou telle décision, de telle ou telle option en matière d'urbanisme. Et on a régulièrement le sentiment que les projets sont pondus par des gens qui vivent en ville et qui n'ont que pas ou très peu ou trop peu la conscience de ce que c'est vivre en milieu rural. Les contingences, les obligations du monde rural sont souvent négligées ou sous-estimées par nos décideurs. On a régulièrement le sentiment que tout est fait ou beaucoup est fait pour les villes et que au niveau du monde rural, j'ai régulièrement le sentiment que on ne tient pas souvent compte de nos aspirations et de nos désidératas. Comme quoi, par exemple? Un truc concret qu'on comprenne? Je vais prendre l'idée qui est sortie du TEC dernièrement, le Flexibus. Il y a deux, trois ans d'ici, ils ont sorti le Proxibus, qui était des bus communaux, mais subventionnés par le TEC pour faire les circuits que ne pouvaient ou ne voulaient pas faire. Ça a été un fiasco. Ils sortent maintenant l'idée du Flexibus, où ce serait à un véhicule communal d'aller chercher des gens pour les amener à un arrêt central afin que eux puissent accomplir le restant du circuit. Et au retour, ils nous ramèneraient des gens à un point central et à nous d'aller les reconduire chez eux. J'ai rien compris quand vous dites à nous. L'idée de base, c'est qu'un véhicule communal fait une tournée de ramassage de voyageurs tech, les dépose à un point où le bus passe, et puis ils vont Namur, Dinan, où ils veulent. Et puis en fin de parcours, ils nous les ramènent à ce point central. Et puis c'est de nouveau un véhicule communal qui doit aller les reconduire chez eux. C'est un non-sens total. Et vous proposez quoi ? Au minimum, le maintien du réseau actuel du TEC, mais manifestement, ils cherchent, et nous en revenons au débat sur les territoires centraux et les territoires ruraux qu'on a eu tout à l'heure, ils cherchent à concentrer les services sur quelques zones particulières, en disant à ceux qui habitent hors de ces territoires, mesdames et messieurs, débrouillez-vous. Mais en même temps, c'est compliqué tout ça, hein, parce que moi, j'entends bien un peu, je comprends pas complètement le bus tech et puis les bus communaux. Enfin voilà, j'arrive pas bien à visualiser la chose, mais j'imagine que la commune ne peut pas prendre en charge tous les gens d'un village les plus reculés du... C'est normal, quoi, non ? C'est normal, et c'est pour ça que le projet... Ah bah attention, il vous présente ça dans un merveilleux emballage cadeau, n'est-ce pas ? On va vous donner des subsides, on va vous aider, et puis on sait ce que c'est au bout d'un moment. Tiens, on va vous donner un peu moins, puis pour ça, vous devrez vous débrouiller. Et ils détricotent ce qu'ils avaient amené au début, c'est la tactique de base. Je veux dire, on ne se laissera pas avoir. Autant on a refusé le Proxibus au moment où le Tech l'a proposé il y a 3 ans, autant nous dirons également non au Flexibus que le Tech propose maintenant. C'est encore pire comme solution. Mmh. Mais nous en revenons au débat. Ils ont des dotations publiques qui sont révisées à la baisse. Et quand vous dites « ils », c'est ? Le TEC. Ils ont des révisions, leurs subsides sont bloqués à un certain niveau, les coûts continuent à croître, mais leur dotation est réduite, et donc ils cherchent par tous les moyens à faire des économies. Nous en revenons au sujet tout à l'heure, l'argent, encore une fois l'argent. Oui, ça c'est sûr hein, que ça domine. Mais quand on vit dans un village, depuis qu'on est petit par exemple, à un moment donné, ça semble inévitable, il faut aller vers la ville. À titre personnel, c'est un choix que j'ai toujours refusé. Quitter le village, pour moi, ça aurait été vraiment se déraciner. J'y ai fait mes primaires, j'y ai tous mes amis, j'y ai mon tissu social, tout est ici. On n'est riche que de ses amis, comme on dit, et en ce qui me concerne, c'est particulièrement vrai. Si on m'obligeait un jour à quitter Montgodine pour partir en ville, ce serait un véritable déchirement. Et vos enfants, ils voient les choses comment, eux ? Ils m'ont déjà dit, on pourra reprendre la maison ? Ah oui, s'imagine alors rester à Montgodine, quoi. Oui, oui. Et très concrètement, il y a 15 ans, on a acheté un morceau de terrain au voisin, et puis il y a 2-3 ans, on en a racheté un autre en face, et le but, c'est très clairement de pouvoir proposer un jour ce terrain à nos enfants. S'ils veulent rester, ben voilà, ils ont au moins quelque chose pour démarrer. Parce que c'est pas que moi qui le dis, mais quand on fait une analyse comme ça un peu globale du monde, les gens quittent les campagnes pour aller en ville, quoi, parce que... Principalement dans les pays pauvres. Nous avons nous-mêmes connu ce phénomène d'urbanisation tout au long du 19e et du 20e siècle. Et puis une fois que le bien-être global de la population a été assuré, on a assisté au mouvement migratoire inverse et les villes se sont vidées. Ce n'est que maintenant que ça commence à s'équilibrer à nouveau, mais pendant 30-40 ans, la majorité des citadins, ayant les moyens de le faire, fouillaient la ville. En tout cas, là, on est plutôt vers l'inverse. Les gens qui quittent, et même, enfin, j'entends bien hein, les pays pauvres, ça se passe mais il y a aussi une réalité comme ça dans les bleds, de se dire, ah ben en ville, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on peut sortir, c'est là que... Vous voyez ce que je veux dire ? On peut consommer, c'est comme s'il y avait... Et à l'inverse, les gens de la ville quittent la ville parce qu'ils en ont marre de cette ville et rejoignent plutôt les villages. Et puis, ils sont vachement déçus quand ils arrivent dans les villages parce qu'il n'y a plus de... Il y a pas de liens sociaux. Dans les villages. Allez, ici à Mons, j'ai le sentiment d'avoir justement une vie associative très riche. Il y a le club des bons vicans, il y a le club de tennis de table, il y a le club des 3x20. Il y a quantité d'activités qui permettent, il y a les scouts, il y a 36 choses qui existent. Et bon, je connais bien les autres villages de l'entité. Nous vivons dans une zone. Si on prend ici ce petit bouquin y voir clair, et qu'on regarde le nombre de clubs sportifs et d'ASBL qui existent dans toute l'entité, mais c'est incroyable. Mais quoi, ce serait... Enfin, parce qu'après, oui, on parle d'ici, du village à Montgodine. Moi, je trouve qu'à Montgodine, il manque quelque chose, quoi. Il n'y a pas de boulangerie, en son sein, il n'y a même pas un endroit où on peut boire un verre. Enfin, Il y a un énorme magasin Spar. Quand je dis un énorme, ouais, c'est vrai, c'est quand même, il est devenu énorme, il s'est agrandi, quoi. À limite, il y a la boulangerie là-bas qui a fermé, et du coup, le magasin Spar est devenu beaucoup plus grand. Je trouve qu'il manque il manque une dynamique. Alors c'est sûr, il y a des jeux inter-village début septembre, mais c'est assez chouette pour se rencontrer, des choses comme ça. Mais c'est ponctuel, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et dans l'ensemble, il n'y aurait rien qui rassemble, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un endroit dans un village où on peut aller boire un verre, sans pour cela parler d'alcool et de se saouler, hein, mais vraiment un endroit où il y a une... on peut causer, quoi, on peut rencontrer des gens, il y a quelque chose qui se passe. Une maison de village, par exemple. C'est un projet que nous avons à Godine, où les anciennes écoles de la rue du Prieuré vont, dans le cours de cette législature-ci, être transformées en maison de village pour les associations. Elles feront vivre cet ancien bâtiment en fonction de leur dynamisme. Bon, allez, l'émission touche à sa fin. Je vous laisse trouver les derniers mots de la fin. Que ce soit une petite phrase politique, poétique, humoristique, sur tout ce qu'on vient de dire. Tout ça pourquoi, au fond, toute cette discussion. C'est vous qui voyez, c'est les mots de la fin. Oui. Eh bien, je vais parler de l'engagement politique. Depuis que... En 1976, c'était les élections, j'étais à l'école primaire à l'époque, et notre instituteur, M. Jomotte, avait profité de l'occasion pour nous donner un petit cours sur la politique locale. J'avais trouvé ça passionnant et je m'étais dit déjà à l'époque, c'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui, je vis ce rêve de gosse de pouvoir justement rendre service et travailler au bonheur de mes semblables du 1er janvier au 31 décembre. C'est une grande chance. Et ce que je dirais, c'est engagez-vous, ne restez pas spectateur passif, soyez des citoyens actifs. N'hésitez pas à vous impliquer dans la vie associative, culturelle, sportive de vos villages et de vos quartiers, parce que c'est une source d'enrichissement merveilleuse que de rencontrer les gens. Grâce à mon engagement politique, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais croisés autrement, et souvent des gens formidables qui méritent d'être connus et découverts. Si jamais vous posez quelques questions sur la Corée, j'ai trouvé les meilleures ventes en Corée du Sud de bouquins, hein, le marketing et la vraie vie. Dans une société coréenne passionnée par les écrans, les éditeurs comptent désormais sur les feuilletons en ligne et les séries télévisées pour dynamiser les ventes. Librairie Kyobo, novembre 2013. C'est la traduction coréenne de Troisième Humanité de Bernard Werber qui occupe la place d'honneur dans la liste des best-sellers établie en novembre dernier par la libraire Kyobo de Séoul. Il est vrai que l'auteur français est une véritable star dans le pays depuis la sortie en 1993 de la traduction des fourmis. On lui prête même la réputation de figurer parmi les auteurs étrangers les plus populaires de Corée, aux côtés de Tolstoï, Shakespeare et Herman Hesse. Il est en tout cas celui qui y a vendu le plus de livres au cours de la dernière décennie, 7,5 millions d'exemplaires. Comme partout ailleurs, les ouvrages de développement personnel, on le vend en poupe à Séoul. Témoin, leçon de vie, ça c'est le titre du bouquin. Leçon de vie du moine bouddhiste Bao Bren. Il destine ici au Seigneur ses conseils empreints de sagesse pragmatique, bien conscient que le vieillissement de la population et le bouleversement des valeurs familiales traditionnelles ouvrent sur de nouveaux questionnements spirituels. Dans un tout autre genre, la vogue du développement personnel se décline aussi dans le domaine économique avec le succès de « La façon dont pensent les riches », traduction d'un essai de l'économiste allemand Hanno Beck. « N'importe qui peut devenir riche, il suffit de penser autrement », annonce la couverture. La littérature coréenne, elle, est relativement peu présente dans cette liste. Dans les 10 000 lieues de la jungle, de Jo Jung-rae, imagine les conflits d'intérêts qui opposeront la Corée, la Chine et le Japon, devenus le centre de l'économie mondiale. Son succès prouve une fois de plus que la publication préalable en feuilleton sur la toile, très à la mode depuis quelques années dans le pays, ne nuit pas aux ventes de la version papier et réinvente même une vieille tradition de la presse. Une échelle haute et bleue de Kong Gi-yong, romancière très médiatique, a adopté la même stratégie marketing. Les séries télévisées qu'on appelle drama influencent également les ventes de livres. C'est le cas pour les lettres et dessins de Lee Jung-seop, peintre connu pour son talent et sa vie tragique, mais aussi, et c'est plus étonnant, pour sa traduction de « La vie devant soi » d'Émile Ajar. Coïncidence, le livre de Romain Gary connaît également un regain de popularité en Corée, même s'il ne figure pas parmi les 10 livres les plus vendus, depuis qu'un personnage d'une série très populaire est apparu en train de le lire. Quant au succès de la traduction du célèbre « De l'inégalité parmi les sociétés » de l'américain Jared Diamond, il s'explique sans aucun doute par l'ajout dans la dernière édition d'un chapitre sur les origines communes aux Coréens et aux Japonais.